Alors, vous avez entendu le thème de l'émission, c'est Rock de Neurones, notre émission hebdomadaire consacrée au rock progressif. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, bien, c'est la 33e émission de la saison 2019-2020. C'est aussi la dernière de la saison. C'est aussi la 254e émission depuis le tout début en 2013. Aujourd'hui, l'émission sera consacrée au rock progressif néerlandais, c'est-à-dire qu'on a 11 titres, 11 groupes des Pays-Bas qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va notamment entendre Focus, Alcuin, Kayak, Arion, Silhouette, 35007, Flamborough Head, Onk, Lady Lake, Childwood et Super Sister. Le rock progressif néerlandais, c'est 517 groupes sur les 21 277 que contient la base de données Rock de Neurones, et ça correspond à 2,4% de l'effort progressif planétaire. Et on a, depuis 50 ans, tous les sous-genres du rock progressif sont présents aux Pays-Bas. Principalement le métal avec 24%, donc 123 groupes sur les 517. On a du néo-prog aussi avec 10% et le crossover avec 15%. Le reste est réparti dans les 19 autres sous-genres. Alors au début, nous allons avoir le premier bloc consacré à deux groupes des années 70, les groupes à peu près les plus connus à cette époque-là. Il y a Focus, bien entendu. Et Focus, bien, il y a ses 14 albums studio entre 1970 et le dernier est quand même paru en 2018. Et l'album le plus coté, là, c'est Hamburger Concerto, et on va entendre la pièce titre de cet album-là. Et du côté de Alcuin, eh bien, c'est un groupe qui a été plus présent, disons, entre 72 et 76, même s'il y a eu deux albums, un en 2005 et 2009, mais le principal catalogue de Alcuin, c'est entre 72 et 76, et l'album le plus connu et le plus apprécié, c'est The Mountain Queen, et la pièce que je vous propose, c'est The Dance. Alors, on va aller tout de suite avec Focus. We'll be right back. Stad en land gespreid in you walk and dance, if you dance or never again with eyes like that. Cry if you walk and dance, if you dance or never at me again with eyes. We'll be right back. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Je vous rappelle que vous êtes sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières, et que vous écoutez une émission spéciale sur le rock progressif des Pays-Bas. Bien entendu, il y a 11 artistes là, qui sont programmés aujourd'hui, mais sur les 517, il y en aurait eu quelques autres là, qui méritaient leur place. Là. Notamment, il y a Chris Christian Bruins, qui aussi a opéré sous le nom de Chris. On a Don River, Dead Man Go, qui aurait pu facilement jouer à l'émission aussi. Finch, Leap Day, The Gathering, ça c'est Tryon aussi. Et bien entendu, le très très connu Exception, et un dérivé aussi de Exception qui est Trace. Mais il y a de la place sur deux heures pour seulement 11 groupes. On va peut-être se reprendre un autre tantôt. Alors, on va débuter le deuxième bloc avec Kayak, qui est une formation crossover, c'est le style. Ils ont débuté en 1973 et le 17e album est paru en 2018. Et c'est cet album-là qu'on va entendre avec la pièce « La Peregrina ». Il y a Arion aussi qui va suivre le fameux groupe metal de Pays-Bas. Eux, ils ont 10 albums studio entre 1995 et 2017. Mais c'est en 96 que le deuxième album est paru, Actual Fantasy. Moi, c'est un des ceux que je préfère, avec Into the Electric Castle, bien entendu, qui est paru 2 ans plus tard. Mais de l'album Actual Fantasy, je vous propose la pièce Computer Eyes. Et on va conclure avec Silhouette, qui est un groupe néo-prog, qui est actif, en fait, depuis le début du millénaire, en 2006, avec 5 albums studio. Et le quatrième, c'est Beyond the Seventh Wave, qui est paru en 2014. C'est le quatrième de la série. Et la pièce que je vous propose, c'est Escape. Embodied our every dreams, but the house was all the time. She had sweet talk and barefaced lies, met surrender and sacrifice. She was lost, found and sold. In her time, there was no one to take her place. From the first till the final days, she would never grow old. If her story was told, serving monarchs and movie queens on their celluloid throne, she embodied their wealth and dreams, but the house was never her home. 'Cause she wanders. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on est à l'antenne de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières, et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour une émission spéciale consacrée au rock progressif des Pays-Bas. Alors, on va débuter le troisième bloc avec une formation psychédélique du nom de 35007. Ils ont 4 albums studio, ça c'est depuis 1994, et le meilleur album selon les cotes que je vois sur Internet, bien, c'est Liquid. Moi j'aime beaucoup cet album-là aussi. Liquid, et la pièce qu'on va entendre, bien, c'est Evaporate. Ensuite on aura un groupe néo-prog, c'est Flamborough Head, 7 albums studio entre 1998 et 2013. Et l'album, moi, que j'aime beaucoup, c'est Defining the Legacy, qui est paru en 2001. Et je vous propose la pièce House of Cards. Et pour conclure, on a un groupe de crossover, son nom, c'est Onk. Alors, je vous l'appelle, c'est UNKH. En passant, j'ouvre une petite parenthèse ici. Si vous voulez avoir le nom des artistes, des chansons et des albums, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Vous allez tout trouver l'information que vous, finalement, vous n'avez pas besoin de prendre en note. Alors, bien entendu, Onk ont 2 albums studio, le premier en 2014 et l'autre en 2018. Et la pièce Paranoid Void que je propose, bien, elle est extraite du deuxième album qui s'intitule Inner Verse. Alors on débute ça avec 35007. violin stop playing a long time ago. I've been moved in slow-mo. Your heart of stone is where I hide day by day, less satisfied. Living on my face, I saw the man digging his own grave, driven by self-pity. Yeah! I'm feeling something. I don't feel anything. I'm not feeling something. I don't feel anything. I'm not feeling something. I don't feel anything. Écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Nous sommes rendus au dernier bloc de cette émission spéciale de Rock de Neurone consacrée au rock progressif. Vous êtes à l'antenne de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières, et vous êtes accompagné de Jimmy Farley. Et pour le dernier bloc de l'émission, bien, je vous propose trois groupes, Lady Lake, Childwood et Super Sister. Lady Lake, c'est un groupe qui a été actif en 1977 avec un album studio, puis le deuxième, bien, il est apparu 30 ans plus tard. Mais c'est pas du catalogue studio de Lady Lake que j'ai puisé la prochaine pièce. Ça vient des compilations coffrets Decameron. Il y en a trois dans les années 2010, là, trois coffrets de quatre CD. Et Lady Lake y apparaît à quelques occasions. Et la pièce que j'ai extraite pour vous, c'est Wisdom. Ensuite, on aura Childwood, qui est une nouvelle formation avec plusieurs styles intégrés dans leur musique. C'est pour ça qu'on les qualifie de éclectiques. Vous allez entendre ça, c'est assez varié. Ils ont un album en 2020, c'est Opalescence, et la pièce que je propose, c'est Mirage. Ensuite, on va aller du côté du super groupe Canterbury, Super Sister. C'est un groupe qui a été actif dans les années 70 avec cinq albums studio. Ils sont réapparus sur la scène là, 25 ans plus tard, en 2019, avec un projet qui s'intitule Project 2010. Mais ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est extrait du premier album du groupe en 1970. L'album s'intitule Present from Nancy et la pièce, c'est No Tree Will Grow. Alors, on débute ça avec Lady Lake. We'll be right back. So we're telling this with a sight somewhere, ages and ages hence, to rosy bed in a boot and I took the one less traveler by, and that has made all the difference. Woo! if I should ever come back. As I've attended this with a sight somewhere, ages and ages since. No good friend, good friendship never ends. The more you feel you've grown, the more you feel alone. Start boasting your friends away. Your way down, you know, no tree will grow on too high a mountain. You try to save your skin. No one real close to you. You know it, yet you make no room go. You know no tree will grow on too high a mountain. Alors, on vient d'entendre Super Sister avec la pièce No Tree Will Grow. Ça, c'est extrait de l'album Prison from Nancy. Et ça a été précédé de Childwood, un groupe des Pays-Bas. Et la pièce Mirage, extraite de Opalescence. Ça, c'est paru cette année, en 2020. Et en début de bloc, bien, on avait Lady Lake et la pièce Wisdom, extraite de Decameron, 10 Days and 100 Novellas. Part 1. Alors ça met fin à la programmation musicale de cette 254e émission de Rock de Neurones. C'était aussi la dernière émission de la saison 2019-2020. Et j'aimerais vous rappeler que cette émission, bien, vous pouvez la réécouter en rediffusion demain matin, mardi, et dimanche prochain de 10h à midi. Ça, c'est sur les ondes de C'est fou. Et elle est aussi disponible sur SoundCloud. Elle va rester là jusqu'à la reprise en septembre. Alors, vous pourrez l'écouter à votre convenance. Et vous avez aussi plusieurs émissions archivées si jamais vous avez un petit peu les blues durant l'été et que le confinement n'est pas encore complètement terminé. Alors, je vous invite à aller faire un petit tour du côté de archive.org. Alors, d'ici là, peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler si jamais j'arrivais à produire d'autres émissions spéciales durant l'été. Mais à tout événement, vous consulterez la page Facebook de l'émission Rock de Neurones et vous aurez l'information au fur et à mesure que ça va se passer. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite un très bel été et qui vous invite à vous joindre à nous en septembre prochain. Bonne semaine.